motherfucking G, motherfucking G, motherfucking G with my bitch nigga Nicky G. Just make it clap, nigga, just make it clap in my low idea, nigga. Assieds-toi, détends-toi. Bienvenue chez Univers Musique Salon, là où tout commence pour toi. J'ai bien reçu ta candidature et je t'assure, tu as la gueule de l'emploi. Oui, oui, ça c'est sûr. Tes gros bras et ta sale gueule de b-boy feront sensation. Si tu veux devenir le roi, j'accepte la mission. Quel dieu, motherfucker G, et de la promotion suffiront à te hisser en haut des échelons, à condition que tu sois capable de chanter de suite un refrain digne de ce nom. Studio 1 de Cabine, dans l'eau ton nouveau collègue DJ Moine. Industry, nigga, nigga, G, motherfucking G, motherfucking G, motherfucking G with my bitch, nigga, nigga, G. Just make it clap, nigga, just make it clap in my low idea, nigga. Just make it clap in my low-idea, nigga.